Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 25. De l'objet de la charité. La charité a pour objet Dieu et le prochain, la charité elle-même, les pécheurs, les ennemis, conduit à tenir à l'égard de ces derniers. Des quatre choses que nous devons aimer par charité. 1. La charité embrasse-t-elle à la fois Dieu et le prochain? Nous avons reçu de Dieu ce commandement, nous dit saint Jean, que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. 1 Jean 4, 21. Les habitudes ne se diversifiant que dans le cas où les actes changent d'espèce, la charité reste une même vertu dans l'amour de Dieu et du prochain. En effet, Dieu est toujours la raison formelle de notre amour pour le prochain, puisque nous n'aimons dans nos semblables que ce qui est de lui. La charité embrasse ainsi Dieu et le prochain tout à la fois. Note. On peut aimer le prochain à cause de ses qualités personnelles, et, dans ce sens, l'amour de l'homme est distinct de l'amour de Dieu, mais, quand on aime le prochain pour ce qu'il reflète de Dieu, l'amour qu'on lui porte n'est pas autre que l'amour de Dieu même. Fin de la note. 2. Peut-on aimer, par la charité elle-même? La charité est un amour, or l'amour tire de la faculté qui le produit le pouvoir de se replier sur lui-même. Par cela seul que l'on aime, on aime l'acte de son amour, mais la charité n'est pas seulement un amour, elle est une amitié. Or on aime un être par amitié de deux manières, d'abord, comme un ami dont on veut le bien, ensuite, comme le bien qu'on veut à un ami. C'est dans ce dernier sens que l'on aime la charité en vertu de la charité. Elle est un bien que nous voulons à tous ceux qu'elle nous fait aimer. Note. En aimant Dieu et le prochain par la charité, nous voulons que Dieu soit aimé de nous et du prochain, ce n'est rien autre chose qu'aimer la charité elle-même. Fin de la note. 3. La charité s'étend-elle aux créatures irraisonnables? La charité ne s'étend qu'à Dieu et au prochain. La créature irraisonnable ne peut pas être comprise sous le prochain. Ajoutez que la charité est une amitié fondée sur la communication de la béatitude éternelle, dont les êtres dépourvus de raison ne sont pas susceptibles. Malgré cela, nous aimons les créatures irraisonnables par la charité, comme on aime un bien pour son ami, car nous devons vouloir leur conservation pour la gloire de Dieu et l'utilité des hommes. Dans ce sens, Dieu lui-même a pour elles un amour de charité. 4. Doit-on s'aimer soi-même par la charité? La loi divine porte, « Vous aimerez votre ami comme vous-même. » Lévitique 19, 18. Nous aimons un ami d'un amour de charité. Nous nous devons le même amour. Nous l'avons dit, la charité est une amitié de l'homme avec Dieu. Elle aime, par conséquent, tout ce qui est de Dieu, sans excepter l'homme lui-même où elle se trouve. On doit donc s'aimer soi-même par la charité comme appartenant à Dieu. Note. Que l'on ne dise pas que l'amour de soi est blâmable. Il l'est quand un homme s'aime selon la nature sensitive dont il subit l'empire, il ne l'est pas quand on se veut les biens qui perfectionnent la nature raisonnable, et c'est en quoi consiste l'amour de soi-même par la charité. Fin de la note. 5. Doit-on aimer son corps par la charité? Le corps humain peut être considéré dans sa nature et dans sa corruption, qui est l'effet du péché et des peines du péché. Notre corps a été créé, non par le mauvais principe, comme le prétendaient les manichéens, mais par Dieu même. Nous pouvons conséquemment l'employer au service de Dieu, selon cette parole de l'apôtre, consacrez à Dieu les membres de votre corps, afin qu'ils deviennent des armes de justice. Romains 6, 13. Nous devons, sous ce rapport, aimer notre corps de cet amour de charité par lequel nous aimons Dieu lui-même. Mais nous ne devons pas aimer en lui la corruption, qui est l'effet du péché et des peines du péché. La charité doit, au contraire, nous porter à désirer l'éloignement de ces maux. Note. Notre corps nous fait participer à la béatitude par les œuvres que nous opérons. Il doit lui-même y participer d'une certaine manière, nous devons l'aimer d'un amour de charité. Fin de la note. 6. Devons-nous aimer les pécheurs par la charité? Dans ce précepte, vous aimerez votre prochain, il faut comprendre tous les hommes, et, partant, les pécheurs qui, malgré leurs péchés, n'ont pas cessé d'être hommes. On peut envisager dans les pécheurs la nature humaine et le péché. La nature humaine, qu'ils tiennent de Dieu, les rend capables de la béatitude, dont la communication donne lieu à la charité. On doit, sous ce rapport, les aimer d'un amour de charité. Mais, relativement aux fautes par lesquelles ils sont en opposition avec Dieu et avec la béatitude, on doit les haïr tous, même son père, sa mère et ses proches, ainsi que le déclare le Sauveur dans Saint Luc 14, 26. En un mot, nous devons haïr dans les pécheurs ce qui les fait pécheurs, et aimer ce qui les rend capables de la béatitude, la nature humaine, c'est là les aimer véritablement par la charité à cause de Dieu. Note. Quand le prophète roi écrivait « Je hais les méchants » psaume 118, 113, et, ailleurs, « Je les haïssais d'une haine parfaite » psaume 138, 22, il voulait dire qu'il les haïssait en tant que méchants, parce qu'il détestait leur iniquité, qui faisait leur mal, au fond, c'était les aimer par charité, car haïr le mal d'une personne, c'est aimer son bien. Quant aux imprécations qu'il faisait contre les pécheurs, on peut les entendre de trois manières, d'abord, comme une prédiction, et non comme un souhait, de telle sorte que ces paroles, qu'ils soient précipités dans l'enfer, psaume 9, 18, signifient qu'ils y seront précipités, ensuite, comme un vœu se rapportant à la manifestation de la justice divine, conformément à cette parole, le juste se réjouira en voyant la vengeance du Seigneur, psaume 57, 10, enfin, comme un désir de la cessation du péché. Fin de la note. 7. Les pécheurs s'aiment-ils eux-mêmes? Celui qui aime l'iniquité, dit le psalmiste, est son âme. Psaume 10, 6. Les méchants, qui font consister leur être dans la nature sensitive et corporelle, que saint Paul appelle l'homme extérieur, aiment ainsi ce qu'ils prennent pour eux-mêmes, mais, comme ils ne veulent pas considérer que l'homme intérieur, l'âme raisonnable, est ce qu'il y a de principal en nous, et que le reste n'est que secondaire, ils ne s'aiment pas en réalité. Ils s'aiment selon la nature sensitive et la corruption de l'homme extérieur, au lieu que les bons s'aiment véritablement en voulant l'intégrité et la perfection de l'homme intérieur, avec lequel ils se plaisent comme avec un ami, et auquel ils veulent procurer les biens spirituels. 8. La charité nous oblige-t-elle à aimer nos ennemis? Aimez vos ennemis, dit Jésus-Christ, Matthieu 5, 44. L'amour des ennemis peut être compris de trois manières. On peut d'abord entendre que les ennemis soient aimés comme tels, cela serait mauvais et contraire à la charité, on aimerait le mal d'autrui. On peut entendre ensuite que les ennemis soient aimés quant à la nature humaine, Cet amour est exigé par la charité. L'homme qui aime Dieu et le prochain ne doit pas accepter ses ennemis de l'amour universel qu'il porte à ses semblables. On peut envisager enfin l'amour des ennemis comme un mouvement particulier d'affection qui nous porterait vers l'un d'eux en particulier. Cet acte n'est pas essentiel à la charité, car il n'est ni nécessaire ni même possible que nous ressentions une affection particulière pour chacun des hommes. Ce que la charité exige de nous, c'est que, pour les dispositions du cœur, nous soyons prêts à aimer un ennemi en particulier, dans un cas de nécessité. Témoigner, par des actes d'amour, hors le cas de nécessité, que l'on aime son ennemi à cause de Dieu, c'est la perfection de la charité. Et, en effet, plus nous aimons Dieu, plus notre amour se montre envers le prochain sans être arrêté par aucune inimitié. Êtes-vous très attaché à un ami, votre grande amitié vous portera à témoigner de l'affection à ses enfants, alors même qu'ils seront vos ennemis. Note. Il n'est aucun être qui ne haïsse ce qui lui est contraire, en tant que contraire, nos ennemis nous étant contraires en tant qu'ennemis, nous devons les haïr comme tels, car leur inimitié est un mal qui doit nous déplaire. Mais ils ne nous sont contraires ni comme hommes ni comme capables de la béatitude, sous ce rapport, nous devons les aimer. Fin de la note. 9. La charité nous oblige-t-elle à donner à un ennemi des marques extérieures d'affection? Au sujet de ces paroles de l'Évangile, faites du bien à ceux qui vous haïssent, Matthieu 5, 44, la glose ajoute, faire du bien à ses ennemis, c'est le comble de la perfection. Ce qui appartient à la perfection de la charité n'est pas une obligation. Il y a certaines marques de bienveillance qui se donnent aux prochains en général, comme lorsque nous prions pour tous les fidèles et pour une population entière, ou que nous accordons une faveur à toute une communauté, dans de tels cas, c'est un devoir pour nous de faire participer nos ennemis à ces bienfaits et à ces témoignages d'amour. Les exclure, ce serait la vengeance défendue par ces paroles de l'Écriture, « Vous ne chercherez pas à vous venger, et vous ne vous rappellerez pas l'injure de vos concitoyens. » Lévitique 19, 18. Il y a d'autres bienfaits et d'autres marques d'affection qui ne s'accordent particulièrement qu'à certaines personnes. Ces faveurs, ces témoignages d'amour sont d'obligation à l'égard des ennemis quant aux dispositions intérieures de l'âme, car nous devons être prêts à les secourir en cas de nécessité, conformément à ces paroles de l'Écriture. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger, s'il a soif, donnez-lui à boire, Proverbe 25, 21, mais pour ce qui est de les produire en faveur d'un ennemi qui n'est pas dans la nécessité, cette conduite, nous l'avons déjà dit, appartient à la perfection de la charité, laquelle nous porte non seulement à nous garder d'être vaincus par le mal, ce qui est de précepte rigoureux, mais à vaincre le mal par le bien. L'homme parfait s'applique à changer les dispositions de son ennemi en lui faisant du bien, loin de se laisser aller à la haine. Ainsi s'expliquent tous les textes qui regardent l'amour des ennemis, tels que ceux-ci, n'aimons pas en parole et de bouche seulement, aimons par les œuvres et en réalité. 1 Jean 3 18 Faites du bien à vos ennemis. Matthieu 5, 44 10. Devons-nous aimer les anges par la charité? Le précepte qui nous ordonne d'aimer notre prochain comprend aussi les anges dont nous recevons plusieurs bons offices. En effet, l'amitié de la charité est fondée sur la communication de la béatitude éternelle, à laquelle il participe avec nous. À la résurrection, dit l'Évangile, nous serons comme les anges dans le ciel, Matthieu 22, 30. Alors nous communiquerons avec eux d'une manière parfaite. En attendant, nous devons les aimer de l'amour de charité. 11. La charité s'étend-elle aux démons? Nous avons dit que nous devons aimer dans les pécheurs la nature humaine et haïr le péché. Le mot démon signifiant une nature déformée par le péché, nous ne devons pas aimer les démons par la charité. Mais si, sans s'arrêter au mot, on rapporte la question aux esprits même que l'on appelle de ce nom, nous dirons qu'on peut les aimer par la charité comme les créatures irraisonnables, en tant que nous voulons qu'ils restent dans leur nature pour la gloire de Dieu. 12. Y a-t-il quatre choses que nous devons aimer par la charité? Dieu, le prochain, notre corps et nous-mêmes? Il y a quatre choses que nous devons aimer en vertu de la charité, répond saint Augustin, une qui est au-dessus de nous, Dieu, une qui nous est identique, nous-mêmes, une qui est près de nous, le prochain, et une qui est au-dessous de nous, notre propre corps. L'amitié de la charité est fondée sur la communication de la béatitude, tel est le principe d'où il faut toujours partir. Nous devons aimer Dieu comme la source de la béatitude, nous-mêmes, comme participant directement à la béatitude et comme étant du nombre des êtres que Dieu aime, notre corps, parce qu'il doit participer à la béatitude par une sorte de rejaillissement, et enfin le prochain, associé à la participation de notre béatitude. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.